President of Pennsylvania. Answer by the way. The wrist of Jacob, I. The wrist. Ah merde, c'est impossible. J'essaie de me caler sur la basse. J'essaie de me caler sur la basse. J'ai plus l'air de Midnight Express. J'ai plus l'air de Midnight Express. pas au métronome, alors du coup c'est moche. Il y a une batterie là ? J'entends pas la batterie. Où est la batterie ? Là, mais je suis vite en plus. Elle est où la batterie ? Bah, je peux pas. On n'est pas 5. Attends. C'est combien le tempo ? Ah mais c'est 19h, je vais me barrer. 110. Ah si, je suis à 110 là. Il n'y en a pas, d'accord. Oh, y'en a plus de batterie. La basse, elle est pas calée. Deuxième samba de le mix. I was Swiss to die, the way to hide. With sweet to want a waking mind. Le solo de merde. Oh, Ah, c'est l'heure d'aller manger. Bye bye. J'ai faim. Merci. Thank you.